Ferme-la, tourne-toi, j'aime ça, comme ça. Deux, trois étoiles, c'est assez pour toi. 3, 2, 1. Elle est sans pitié, la chaudasse, elle est sans pitié. La pétasse, elle est sans pitié. La connasse, elle est sans pitié. Eh, quand elle tchouk tchouka, tchouk tchouka, tchouk tchouka, tchouk tchouka. Chuk chuka chuk chuka chuk chuka chuk chuka chuk chuka chuk chuka chuk chuka chuk chuka. Chérie, ça pour les politesses. Sois pas timide, mets-toi à l'aise. Tu connais ton négro biscotto. J'ai ce qu'il faut là où il faut. Mucho dinero. Oui. Ne sois pas ma femme et ma maîtresse. J'envoie la totale pour voir remuer tes fesses. Mais c'est réel toujours avant le lait. Raconte dedans, tu sais, j'ai pas de raison. Ferme-la, tourne-toi. J'aime ça, comme ça. Deux, trois étoiles, c'est assez pour toi. 3, 2, 1. Elle est sans pitié. La chaudasse, elle est sans pitié. La pétasse, elle est sans pitié. La connasse, elle est sans pitié. Eh, quand t'as tchouk tchouka. Tchouk tchouka tchouk tchouka tchouk tchouka. Tchouk tchouka tchouk tchouka tchouk tchouka. Tchouk tchouka tchouk tchouka tchouk tchouka. Tchouk tchouka tchouk tchouka. Elle me fait connaître son coup de rein. Le front serré, je vais assumer. Mais va et vient jusqu'au matin. T'as pas idée comment je vais l'engager. Comme les séries à la télé. Toi et moi nous mélanger. Oublie tes soucis, pas de gloss. L'harmonisation c'est de l'eau. DJ frère, c'est bon déjà. Ferme-la, tourne-toi. J'aime ça, comme ça. Deux, trois étoiles, c'est assez pour toi. 3, 2, 1. Elle est sans pitié. La chaudasse, elle est sans pitié. La pétasse, elle est sans pitié. La connasse, elle est sans pitié. Eh, quand t'as tchouk tchouka. Tchouk tchouka, tchouk tchouka, tchouk tchouka. Tchouk tchouka, tchouk tchouka, tchouk tchouka. Tchouk tchouka, tchouk tchouka, tchouk tchouka. Tchouk tchouka, tchouk tchouka. Mets sur les genoux, on va t'engager. Eh, on va t'engager. Mets sur les genoux, on va t'engager. Eh, on va t'engager. Mets sur les genoux, on va t'engager. DJ Fresh va t'engager. Mets sur les genoux, on va t'engager. Hey, Camro, il va t'engager. Ah.